si tu savais ce que je ferais pour toi. Bien évidemment, tu ne le sais pas. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde-moi bien. Je ne suis pas si loin de toi, tu n'es pas si loin de moi. Et si on se rejoignait, tiens, ça serait mieux. Mais tu ne m'écoutes pas, mais viens, rejoins-moi. Si tu venais, je te montrerais ce que je ferais avec toi. Bien évidemment, tu ne viendras pas. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde bien. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde-moi bien. Si loin de toi, de moi, de nous. Rejoins-moi et là tu verras. Prends ma main et là tu verras. Les étoiles ne paraissent plus si loin. Mais viens, rejoins-moi. Oh, si tu me suivais, je te montrerai ce que tu ferais. Fixe-le bien. Tu l'attends, Anne-Cat, mais fixe-moi bien. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde bien. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde-moi bien. Tu l'attends, Anne-Cat, mais regarde bien. Car cette fois, je te tendrai la main.